Tu frémis encore en entendant mon nom, consul de l'Inde la plus ancienne, partie des vagues et des temples païens pour venir t'adorer. Tu connais ma vaillance, mais mon empire n'est pas encore tangible, même si ton ange m'a oint, ton prince charmant et ton guerrier. Avec moi, jamais ton ombre ne sera blessée par les saltimbanques de Philadelphie, les enfants de Madras ou les marchands vikings. Tous diront que la bénédiction du ciel a été et reste la mienne. N'as-tu pas appris à Santa Barbara qu'à la lumière des aurores et des crépuscules, nous réécrivons le présent croûte que laissent ceux qui ont déjà rêvé? Consul de l'Inde la plus ancienne, partie des vagues et des temples païens pour venir t'adorer. Tu connais ma vaillance, mais mon empire n'est pas encore tangible, même si ton ange m'a oint, ton prince charmant et ton guerrier. Avec moi, jamais ton ombre ne sera blessée par les saltimbanques de Philadelphie, les enfants de Madras ou les marchands vikings. Tous diront que la bénédiction du ciel a été et reste la mienne. N'as-tu pas appris à Santa Barbara qu'à la lumière des aurores et des crépuscules, nous réécrivons le présent croûte que laissent ceux qui ont déjà rêvé.